Il était Le matin, non pas pour aller travailler. pas pour aller travailler. Yeah. travailler. Se lève le matin, non pas pour aller travailler. Se lève le matin, non pas pour aller travailler. Thank you. 4 horas.